La rue passe, on ferme ta gueule et écoute. Plus comme son kick dans ta sale gueule qui dégoûte, dégoûte, dégoûte. La rue passe, on ferme ta gueule et écoute. La rue passe, on ferme ta gueule et écoute, écoute, écoute. La rue passe, on ferme ta gueule et écoute. Plus comme son kick dans ta sale gueule qui dégoûte, dégoûte. 2-0-13, nos cœurs sont des forteresses comme nos têtes. Liver en bécane, arme de poing dans le top chest. Toute ta mère son Maltese. Si t'as cru que t'étais puissant, y'a que le beat qui réjouissant. Café l'ange V800. Pourquoi on vise la clinique? Oh la zombie, c'est 666, frère unique. Yup, demande à ton grand, tu verras qui sont les vrais petits. Les ennemis de mes amis sont forcément mes ennemis. La rue parle, on ferme ta gueule et écoute. La rue parle, on ferme ta gueule et écoute, écoute, écoute. La rue parle, on ferme ta gueule et écoute. Putain de fond kick dans ta sale gueule qui t'écoute. Donc quand Colnay se branle, la France aurait dû nous avorter. J'dédicace mon lot tellement lourd que tu peux pas porter. Même nos meufs sont gang, mariage ta mère, nous donne sa chance. Appelle ta fille sale pute, on l'a, tu vas prendre de l'avance et nous laisse ça. Crois-moi, c'est jamais devant tes confrères qu'on nous flippe. Dès le soir, on va venir toc toc toc réveiller ton père en slip. Son car mon œuf 300 balles, les couilles, ton courant compte pas les douilles. Frère, tu peux remballer, puis je te le dis. La rue passe, on ferme ta gueule et écoute. La rue passe, on ferme ta gueule et écoute, écoute, écoute. La rue passe, on ferme ta gueule et écoute. Putain de fond kick dans ta sale gueule qui dégoûte. On se reconnaît entre nous, les rafales me tapent le voix. Dédicace au 9-3, dédicace à l'Abreuvoir. Donc panique mes banlieues, arbelle pas ton cave vieux. On surveille, on fait KRA, en costard on fait mafieux. Vicra, pilla, flic, aveda, vicra, pena, cria, glacha, poche, abroda, tchoura, cada, marabouya, banapé, rabgarda, petit cafour, avait pas des bras, fou, captiba, esclavile, en reste grave. Tous les trucs en rave, gros. La rue passe, on ferme ta gueule et écoute. La rue passe, on ferme ta gueule et écoute, écoute. La rue passe, on ferme ta gueule et écoute. Putain de fond kick dans ta sale gueule qui dégoûte. Yeah. La rue parle, man, ferme ta gueule, les chiens pose. Tu pars, tu me presses au max, une petite mélation s'impose. Je reste proche de mes frères, encore plus proche de mes tubes. Je prends des nouvelles de jumeaux quand ça tire à la demi-lune. Fuck tes principes, plus rien à foutre, on se la saoule. Ou Hassoul à 433 après Mohamed ou Rasoul. Fibule à comme micro, pas comme dédicace au bagne. Ta rue a une voix, elle s'appelle Fiamsou, man. La rue passe, on ferme ta gueule et écoute. La rue passe, on ferme ta gueule et écoute, écoute, écoute. La rue passe, on ferme ta gueule et écoute. Putain de fond qui dans ta sale gueule qui t'écoute, écoute. La rue passe, on ferme ta gueule et écoute. La rue passe, on ferme ta gueule et écoute, écoute, écoute. La rue passe, on ferme ta gueule et écoute. Putain de fond qui dans ta sale gueule qui t'écoute, écoute, écoute. La rue passe, la rue passe.